Libreville, Brazzaville, Kinshasa. Écoutez ce super Nyama Nyama des officiers de la musique africaine, l'International Orchestre du Congo à Paris, Cody Thomas, yeah! Na machine maboko na magia Botezeno za zinzi tukiriko lubasu na maleba mwana mamunga Na rife mwana tandilu na mamundele Ilike non samba ni beto bogwe Joseph Gabio, Nianturi la Kuba Georges Mbana, Yabi Yabi, Jopambu Fortuné Joachim, Cédar Lebe, Chrysostome Gérard, à vous de juger. Et maintenant, le professeur agrégé du conservatoire Lubassu Denis Lacloche vous présente son mémoire de guitare. Nakobala nangata moto mohinda Lolo Lango. Lolo Lango, tchavoua la monialito.